Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et aujourd'hui, nous allons évoquer une catastrophe à la française, une catastrophe lettrée, un fonds spéculatif autour de vieux papiers qui s'est transformé en arnaque à la Madoff. J'ai nommé Aristophile. La société Aristophile, née en 1990, œuvre dans le développement, le mécénat et la sauvegarde du patrimoine écrit. C'est après avoir acquis par hasard des lettres datant du siège de Paris que son fondateur, Gérard L'Héritier, s'est découvert une passion, devenue vocation, autour des autographes. Aristophile est une société spécialisée dans les lettres et manuscrits, les livres anciens et modernes, mais surtout les lettres et manuscrits. Et cette société cherche, achète, expertise et vend des lettres et manuscrits. Donc ça, c'était Aristophile au début et ça s'est terminé ainsi. Cette pièce, aux allures de bibliothèque, est en réalité un coffre-fort. Elle abrite 130 000 documents saisis par la justice, des manuscrits et des lettres anciennes pour l'essentiel, mais aussi quelques tableaux comme ce paysage signé Renoir. Responsable de l'inventaire, Maud Vignon est l'une des rares personnes autorisées à manipuler ces trésors. Sur ce rouleau de 12 mètres est écrit les 120 journées de Sodome. C'est Sade les a écrits pendant sa détention à la Bastille. Ce roman érotique, griffé en 1785 dans sa cellule par le sulfureux marquis, est une pièce unique, estimée à 6 millions d'euros. Ce rouleau et ses précieux documents appartenaient à Aristophile, une société mise en liquidation judiciaire en 2015. Soupçonné d'escroquerie, son propriétaire, Gérard L'Héritier, est à l'origine de l'un des plus gros scandales de l'épargne en France. 18 000 victimes recensées, elles auraient investi 850 millions d'euros dans ces manuscrits. Aristophile aurait surestimé leur valeur. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé avec Aristophile Henri Vigne. Vous êtes libraire de livres anciens à Paris dans le 5e arrondissement et vous êtes président du SLAM, le syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Qu'est devenu Gérard L'Héritier ? Je crois savoir que Gérard L'Héritier se trouve dans le sud de la France, dans sa villa. Il a, je crois, payé une caution pour rester en liberté et il attend son jugement. Alors il y a donc, comme vous venez de le dire, un procès en cours. Vous, ce qui vous conduit ici Henri Vigne, c'est qu'on va évoquer avec vous la première vente pour la collection Aristophile. C'est un gros catalogue et il va y avoir 300 catalogues comme celui-ci. Oui, apparemment, donc Maître Agude, qui est en charge de procéder à ces ventes, annonce un programme de 6 ans de vente publique avec 300 ventes, dans la mesure où le fonds d'Aristophile représentait plusieurs centaines de milliers de documents, exactement, je crois, 128 000 documents. Donc, pour que le marché puisse absorber cette quantité qui représente finalement la plus grosse collection au monde en main privée d'archives... Incroyable. Il va falloir étaler dans la durée ces ventes. Alors j'ai présenté cette catastrophe comme étant une arnaque. Comment la présenteriez-vous et pour nos auditeurs, comment expliqueriez-vous ce qui s'est passé avec Aristophile Henri Vigne ? Cette société, elle a été créée par un personnage atypique. Gérard L'Héritier est un ancien militaire. Il a été négociant en diamants. Avant de fonder une société d'investissement, d'abord en timbres, puis dans les autographes. Il est certain que les autographes sont un univers assez fascinant, où on voit l'histoire s'écrire au jour le jour de manière individuelle, où l'esprit s'incarne dans la matière, finalement. Et cet univers fascinant, il a proposé à des épargnants de se l'approprier, mais sous une forme assez compliquée d'indivision, et en réalité pour réaliser de simples placements financiers. Cette affaire s'est considérablement développée en 2008, à l'époque de la crise boursière. Ces placements atypiques représentaient une solution de secours finalement pour les gens qui avaient des placements en bourse. Et d'autant plus que Gérard L'Héritier et sa société promettaient un rendement annuel de 8%, ce qui, à mon sens, n'est pas possible. On ne peut pas promettre ça. Alors c'était donc un fonds, comme un fonds d'investissement, sauf que au lieu d'acheter des parts de sociétés ou d'immeubles, on achetait une portion de manuscrits anciens. A priori, c'était plutôt une bonne idée, on pouvait joindre l'utile à l'agréable. C'était assez habile de la part d'Aristophile de proposer non pas en général d'acheter en propre un document, mais de l'acheter en indivision, un document ou un ensemble de documents sur un thème en particulier. Cela permettait finalement à Aristophile de rester dans les faits propriétaire de ces documents, qui d'ailleurs étaient exposés souvent au Musée des Lettres et Manuscrits, boulevard Saint-Germain. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'astuces dans tout ce système, et notamment, on peut aussi voir une vertu de vitrine culturelle, dans la mesure où Gérard l'Héritier et Aristophile ont assuré un rôle pédagogique, je dirais presque, en montrant ces documents, alors que l'État a failli à sa mission en n'ayant pas lui-même un musée de lettres et manuscrits. Alors le problème, c'est que tout ça ne relevait pas du bénévolat, puisque donc ce monsieur, comme vous l'avez dit, promettait des rendements de 8 et même 9%, mais alors, moi qui n'y connais absolument rien dans le domaine des livres anciens et des manuscrits, on a l'impression que tout ça prend de la valeur d'année en année, 8-9%, c'était pas crédible ? Non, ça ne l'était pas. En réalité, ce qu'il faut rappeler, c'est que le marché des lettres et manuscrits était relativement atone avant l'arrivée d'Aristophile. Cette société d'investissement a tiré le marché vers le haut avec un budget de communication vraiment inhabituel dans notre milieu plutôt feutré de collectionneurs. Donc un certain nombre de célébrités, d'hommes politiques, de grands journalistes, d'écrivains, d'acteurs ont participé à la promotion des activités d'Aristophile. Ça a vraiment jeté un éclairage très valorisant sur ce secteur des manuscrits et autographes qui... Il est vrai et passionnant et représente notre patrimoine national. On avait effectivement envie d'y croire. Alors là où peut-être il n'y a pas seulement la faute à la malchance, parce qu'après tout peut-être que on peut imaginer que c'est un secteur avec des actifs, comme on dit, même si le mot doit vous écorcher les oreilles, Henri Vigne, avec des actifs qui vont s'apprécier d'année en année. Là où les choses sont quand même un peu plus compliquées, c'est on s'aperçoit que ce monsieur avait tendance à gonfler le prix de ses ventes au fur et à mesure qu'il avançait, qu'il progressait dans la constitution d'Aristophile, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Il est certain que certains biens ont été revalorisés au fil du temps, revendus avec des estimations plus élevées. Alors comment il s'y prenait ? Racontez-nous. Eh bien, Gérard l'Héritier a acheté essentiellement dans des ventes publiques, chez de grands marchands, et donc il a payé quand même relativement cher tous ces documents qu'il revendait à ses clients en prenant une marge très confortable, en doublant ou en multipliant par 10 selon les cas. Donc ça, je n'ai pas le détail des dossiers, mais le fait est que les documents ont sûrement été surévalués. Et oui, parce qu'en fait, c'était tout son intérêt de dire que toutes ces choses-là valaient très cher et de plus en plus cher. Tout à fait. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la promesse de rendement de 8% s'étalait sur 5 ans. Ce qui veut dire que en 2008, vous avez eu effectivement un afflux massif d'épargnants qui se sont tournés vers Aristophile. Donc 5 ans plus tard, en 2013, ces épargnants avaient la possibilité de revendre leurs biens. Et c'est là que les difficultés ont commencé, puisque Aristophile ne pouvait pas racheter forcément tous ces documents pour les revendre. Les entrants étaient moins nombreux que les sortants, donc les difficultés ont commencé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait une question donc de non-solvabilité d'Aristophile. C'est-à-dire, là, on est typiquement dans un schéma de Ponzi, c'est-à-dire que finalement, ce sont les entrants qui doivent payer les sortants, et s'ils n'y arrivent pas, bah, ça veut dire que le système ne génère pas suffisamment de valeur pour être rentable. C'est comme ça que ça s'est en quelque sorte dénoué, l'escroquerie Aristophile ? À mon sens, oui. Disons que la justice est intervenue donc pour enquêter sur cette société et la placer en liquidation judiciaire en 2015. Mais alors, si on essaye de mettre en rapport l'estimation, alors je sais que ça va être très compliqué d'estimer une collection aussi riche avec des prix qui sont nécessairement faits par le marché, et l'arrivée de 300 ventes sur le marché va déstabiliser complètement votre secteur, Henri Vigne. Tout à fait, c'est notre préoccupation. La collection était estimée par Aristophile pour 850 millions d'euros. Je pense que les ventes feront un produit qui sera bien moindre, malheureusement pour ces investisseurs. Néanmoins, j'espère qu'elles seront suffisamment étalées dans le temps, on parle de 6 ans, ça me paraît le minimum, de manière à ce que nous puissions absorber, nous les marchands, les collectionneurs aussi bien sûr, les institutions, que nous puissions absorber cet ensemble important de documents. On a entendu par exemple qu'il y avait un manuscrit de Sade sur rouleau, alors ce manuscrit on entend dire qu'il vaut 6 millions, 7 millions d'euros, ça vaut ce prix-là ? Certainement, oui. Donc là, celui-ci, il n'est pas surévalué ? Non, je ne pense pas. Je pense d'ailleurs que les estimations qui ont été faites dans le catalogue de la vente inaugurale qui aura lieu le 20 décembre sont tout à fait mesurées. Je pense qu'elles n'ont pas été faites selon les estimations d'Aristophile. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut trouver des amateurs qui aient suffisamment d'argent pour absorber ces ventes, parce que le prix, il est fait aussi par le marché. Bien sûr, c'est mon inquiétude. Bon, en même temps, il faut relativiser. L'association de libraires que je représente présente, elle aussi, des centaines de milliers de documents, des millions de livres. Mm-hmm. Donc, ce marché du livre en France, du livre ancien, est très dynamique. Paris est la capitale mondiale du livre ancien. Capitale mondiale? Évidemment, tout à fait. Il faut se rendre compte que ce marché, finalement, s'est constitué dès la Révolution française. La Révolution a amené, comme vous savez, le pillage des châteaux, des monastères, et il s'est retrouvé sous le Premier Empire un ensemble de documents considérables qui a structuré ce marché, qui a développé de grandes collections, et Aristophile est certainement la plus grande collection privée aujourd'hui, mais ma foi, j'espère que nous réussirons à l'absorber tranquillement. C'est en tout cas ce que l'on vous souhaite. Est-ce que ça veut dire, on en terminera là, Henri Vigne, qu'il faut avoir peur si on veut se lancer dans une collection ? Alors je vois Jean-Christophe Francis qui est particulièrement intéressé par le manuscrit d'André Breton, un million d'euros, réalisateur qui lorgne cela. Et s'il achète cela à un million d'euros, est-ce qu'il va perdre de l'argent à l'avenir ? Est-ce que c'est très spéculatif comme marché ? Écoutez, ce marché, forcément, quand on vise des documents d'une telle valeur, est forcément spéculatif. Maintenant, nous, en tant que libraires, nous condamnons absolument la promotion du livre et des autographes comme objet de spéculation. Notre démarche est complètement différente. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, au Salon international du livre rare au Grand Palais, qui aura lieu du 12 au 15 avril prochain. Et vous verrez, là aussi, des centaines et des milliers de documents rares, de livres d'heures du Moyen-Âge que nous vendons, que nos libraires, chacun spécialisé dans un domaine, proposent à la vente. C'est l'occasion surtout pour nos clients d'un enrichissement culturel, d'un échange avec des spécialistes qui, comme eux, sont passionnés par toutes ces matières. Merci beaucoup, Henri Vigne, de nous avoir exposé ce Superfell de la semaine, Aristophile. Superfell a été piétiné par Anaïs Isebaer, gâché par Pierrick Monsigny et raté totalement par Jean-Christophe Francis. Superfell.